Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 26. De l'ordre de la charité. Il y a dans la charité un ordre qui consiste à aimer Dieu plus que le prochain, et plus que soi-même, soi-même plus que le prochain plus que notre propre corps, dans le prochain, telle personne plus que telle autre, d'abord nos proches, et principalement ceux qui nous sont unis par les liens du sang, des droits du père, de la mère, des enfants, de l'épouse, des bienfaiteurs. On examine, enfin, si l'ordre de la charité subsistera dans le ciel. 1. Y a-t-il un ordre à suivre dans la charité? Partout où il y a un principe, il y a un ordre. La charité, se portant vers Dieu comme vers le principe de la béatitude, renferme nécessairement un certain ordre, à raison des rapports divers des choses avec Dieu. 2. Devons-nous aimer Dieu plus que le prochain? Celui-là doit être aimé davantage pour lequel on doit parfois haïr tout le reste. Or on doit, à cause de Dieu, haïr le prochain qui cherche à nous éloigner du salut. Si quelqu'un vient à moi, a dit le Sauveur, et qu'il ne haïsse pas son père et sa mère, son épouse et ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 26. On doit donc aimer Dieu par la charité plus que le prochain. La charité étant fondée sur la communication de la béatitude, qui est en Dieu, comme dans son premier principe, d'où elle se répand sur tous les êtres capables de la posséder, Dieu doit être aimé principalement et par-dessus tout, car nous l'aimons comme la cause de la béatitude, au lieu que le prochain n'est aimé que parce qu'il participe avec nous à cette béatitude. Note. Dieu, possédant essentiellement ce qui n'en est dans les autres êtres que par participation, est incomparablement meilleur et plus aimable que le prochain. Fin de la note. 3. L'homme doit-il aimer Dieu plus que lui-même? La partie aime naturellement le bien général du tout plus que son bien propre. On le voit par tous les êtres de la nature, qui, chacun à leur manière, concourent avant tout au bien général. On retrouve cette loi dans les vertus civiles et politiques, qui portent quelquefois les citoyens d'un État à faire le sacrifice de leur fortune et même de leur vie au bien commun. S'il en est ainsi de l'amour naturel, à plus forte raison en est-il de même de l'amitié, de la charité fondée sur la communication des dons de la grâce. Dieu est le bien commun de tous les êtres, et la béatitude est en lui comme dans une source universelle, d'où elle se répand sur tous ceux qui peuvent y participer. Par conséquent, nous devons aimer Dieu par la charité plus que nous-mêmes. 4. L'homme doit-il s'aimer lui-même plus que le prochain? Par ses paroles, vous aimerez votre prochain comme vous-même, Matthieu 22, 39, il est clair que l'amour de soi est en quelque sorte le modèle de l'amour du prochain. Ne s'ensuit-il pas qu'en vertu de la charité on doit s'aimer soi-même plus que le prochain? Le modèle doit évidemment l'emporter sur la copie. S'aimer véritablement soi-même, c'est s'aimer dans sa nature spirituelle, et, à ce point de vue, l'homme doit s'aimer lui-même, après Dieu, plus que tout autre. Le motif de la charité donne la raison de cette préférence que l'homme se doit à lui-même. Nous aimons Dieu comme principe de la béatitude, nous-mêmes, comme participant à ce bien suprême, et le prochain, comme nous étant associés dans cette participation. L'unité l'emportant sur l'union, la charité pour nous-mêmes passe avant l'amour des autres. Aussi ne doit-on jamais commettre un péché pour sauver la vie à son prochain, ni pour le préserver du péché. Note. Supporter pour son ami une perte temporelle, c'est encore s'aimer soi-même plus que son ami sous le rapport spirituel, puisqu'un tel sacrifice tient à la perfection de la vertu, qui est le bien de l'âme. La charité, direz-vous avec saint Paul, ne cherche pas son propre avantage. 1 Corinthiens 13:5. L'apôtre a voulu nous enseigner que la charité préfère le bien général au bien particulier. Nous avons dit nous-mêmes que, pour tous les êtres, le bien commun est naturellement plus aimable que le bien propre, la partie aime naturellement le bien du tout plus que le bien partiel qui lui est propre. Fin de la note. 5. L'homme doit-il aimer son prochain plus que son propre corps? L'association du prochain avec nous dans la participation pleine et entière de la béatitude, association d'où se prend le motif que nous avons d'aimer nos semblables, offrir une raison plus puissante d'amour que la participation indirecte de notre corps à cette même béatitude, participation sur laquelle est fondé l'amour de notre propre corps. Il faut en conclure que nous devons aimer le prochain, relativement au salut de son âme, plus que notre propre corps. Note. Comme tout homme est chargé du soin de son propre corps et qu'il n'est chargé du salut spirituel du prochain que dans certaines circonstances, la charité ne nous fait un devoir d'exposer notre corps pour le salut du prochain que dans les cas où il y a obligation pour nous d'y pourvoir. Sacrifier volontiers sa vie hors ces cas, c'est la perfection de la charité. Fin de la note. 6. Y a-t-il des personnes que nous devons aimer plus que les autres? L'amour, ayant pour double principe Dieu et le sujet aimant, doit être plus grande à proportion que la personne qui en est l'objet est plus rapprochée de Dieu ou de nous. Note. Nous aimons également tous les hommes par la charité. Sous le rapport du bien que nous leur désirons, nous souhaitons à tous la béatitude éternelle. Mais, pour l'intensité de l'amour, il n'est pas nécessaire d'aimer tous les individus également. Fin de la note. 7. Devons-nous aimer nos proches plus que les personnes qui les surpassent en vertu? Si quelqu'un, dit l'apôtre, n'a pas soin des siens, et principalement de ses serviteurs, il a apostasié la foi, et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5:8. Ce texte prouve que nous devons avoir plus de charité pour nos proches que pour les autres personnes. Du côté de Dieu, d'où se prend la raison d'aimer le prochain, la charité désire essentiellement que la béatitude soit accordée dans un degré supérieur aux personnes plus vertueuses, elle veut que la justice de Dieu soit observée. Mais, du côté de l'homme lui-même, d'où se prend l'intensité de l'amour, nous aimons davantage nos proches, et chacun peut leur désirer un degré de béatitude plus élevé qu'aux étrangers. Cela est d'autant plus légitime que, parmi eux, plusieurs nous sont unis par les liens indissolubles du sang, au lieu que les personnes plus vertueuses qu'eux, peuvent s'éloigner de Dieu ou s'en rapprocher, leur vertu pouvant augmenter ou diminuer. Nous aimons aussi nos proches sous un plus grand nombre de rapports, nous n'avons à l'égard des étrangers que l'amitié de la charité, nous avons, en outre, vis-à-vis d'eux, la parenté, les alliances, la communauté de patrie, et tous les autres liens honnêtes. 8. Devons-nous aimer davantage ceux qui nous sont plus unis par les liens du sang? Nous devons aimer spécialement ceux qui nous sont plus étroitement unis par les liens du sang. Le Décalogue nous l'ordonne. Exode 20, 12. Cependant, l'intensité de l'amour se prenant de l'union de l'objet aimé avec le sujet aimant, L'amour lui-même doit être mesuré d'après la diversité des unions. C'est pourquoi nous devons, dans les choses qui regardent la nature, aimer davantage nos parents, dans celles qui regardent le bien de l'État, nos concitoyens, dans la guerre, nos compagnons d'armes. Mais comme, de toutes ces unions, la première est la plus impérissable et celle de la nature et du sang, qui tient à la substance de notre être, l'amour des parents est le premier et le plus stable de tous les amours. Note. Il est permis d'aimer plus que ses parents un ami avec lequel on s'entend mieux, mais l'amitié à l'égard des parents l'emporte toujours sur toutes les autres en ce qui concerne la nature. Nous sommes tenus de pourvoir à leurs nécessités plutôt qu'à celles des autres personnes. Si le soldat obéit à son chef plutôt qu'à son père, il ne s'ensuit pas qu'il a moins d'amour pour son père que pour son chef, il ne préfère celui-ci que relativement à la guerre. Fin de la note. 9. L'homme doit-il aimer son fils plus que son père ? On doit aimer Dieu d'abord, disait saint Ambroise, ensuite ses parents, puis ses enfants, et enfin ses serviteurs. Le degré de l'amour s'apprécie d'après l'objet aimé et d'après le sujet aimant. Le Père, qui, comme principe, ressemble davantage à Dieu, doit, sous ce rapport, être aimé plus que le Fils. Il a le droit d'être honoré par ses enfants. Le Fils, plus étroitement uni au Père que le Père ne l'est au Fils, doit être aimé d'un amour plus intense. Les parents aiment dans leurs enfants une partie d'eux-mêmes, et leur amour est d'autant plus fort que celui des enfants, qu'il est plus ancien. Note. Les enfants doivent surtout honorer leurs parents, et les parents pourvoir aux besoins de leurs enfants. Les enfants sont obligés, à leur tour, de secourir leurs parents dans la nécessité. Fin de la note. 10. Le fils doit-il aimer sa mère plus que son père? Après Dieu, qui est notre père, dit saint Jérôme, le fils doit aimer son père, puis sa mère. Dans ces sortes de questions, on considère les choses en elles-mêmes, faisant abstraction des circonstances qui peuvent les modifier, car, saint Ambroise l'enseigne, on doit préférer de bons serviteurs à de mauvais fils. Absolument parlant, on doit aimer son père plus que sa mère. Le père est le principe de l'origine d'une manière plus éminente que la mère. Celle-ci aimant davantage ses enfants, il semble, il est vrai, que les enfants doivent aussi l'aimer davantage, mais ceci se rapporte à un autre genre d'amour d'après lequel nous aimons ceux qui nous aiment, au lieu qu'il ne s'agit, en ce moment, que de l'amour des parents sous le rapport de la génération. 11. L'homme doit-il aimer son épouse plus que son père et sa mère ? Les parents, aimés comme principe, appartiennent à un ordre supérieur, et, sous ce rapport, l'homme doit les aimer plus que son épouse, mais, l'amour se prenant aussi de l'union de l'objet aimé avec le sujet aimant, l'épouse, à cet autre point de vue, doit avoir la préférence, comme unie à l'homme dans une même chair, selon cette parole, ils ne sont plus deux, ils sont une même chair. Matthieu 19, 6. Suivant ces principes, l'homme doit à son épouse un amour plus intense, et à ses parents un amour plus respectueux. Note. Ces paroles, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, ne sont pas dites absolument. Elles doivent s'entendre de l'union conjugale et de la cohabitation. Il y a des circonstances où l'on doit aider ses parents plus que son épouse. Fin de la note. 12. L'homme doit-il aimer son bienfaiteur plus que son protégé ? Les bienfaiteurs, dit le philosophe, paraissent aimer leurs protégés plus qu'ils n'en sont aimés. Nous aimons une personne plus qu'une autre, ou parce qu'elle est meilleure, ou parce qu'elle nous est plus unie. Or le bienfaiteur, comme principe d'un bienfait pour son protégé, se rattache à un ordre supérieur, il doit être aimé davantage sous ce rapport. Mais, au point de vue de l'union, c'est le protégé que, naturellement, on aime le plus. Le philosophe en donne plusieurs raisons. Le protégé est l'œuvre du bienfaiteur. Aussi dit-on parfois, c'est la créature d'un tel, chacun aime naturellement son ouvrage. Le bienfaiteur voit dans son protégé un bien qu'il honore lui-même, nous aimons mieux penser au bien qui nous honore qu'aux services qui nous ont été rendus. Aimer et faire du bien est aussi quelque chose de plus noble que d'être aimé et de recevoir. Nous avons, en outre, plus d'amour et d'estime pour ce qui nous a coûté beaucoup de peine et de travaux. Note. L'amour du bienfaiteur envers son protégé est plus spontané, plus noble et plus fort. Dieu nous aime plus que nous ne saurions l'aimer. Les parents aiment leurs enfants plus qu'ils n'en sont aimés. Quoi qu'il en soit, Dieu et nos parents, à qui nous sommes redevables du plus grand des biens, doivent être plus aimés de nous que nos protégés, auxquels nous faisons un bien moindre. Fin de la note. 13. L'ordre de la charité subsiste-t-il dans le ciel? La gloire du ciel perfectionne la nature, elle ne la détruit pas. L'ordre de la charité, tel que nous l'avons exposé, y subsistera. Dieu sera aimé par-dessus toute chose. Les bienheureux le seront en proportion de leur excellence, nous voudrons que ce qui leur est dû, en vertu de la justice de Dieu, leur soit rendu. Les motifs de l'amour honnête continuant d'agir sur notre âme, nous aurons plus d'amour pour ceux qui nous auront été unis sur la terre par des liens plus étroits et plus nombreux. Mais la raison tirée de la proximité de Dieu l'emportera de beaucoup sur tous ces points secondaires. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.